إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، aujourd'hui on va prendre le dernier de ces arcanes de l'iman qui est l'iman bil-qadar, la foi au destin. فقال المؤلف رحمه الله تعالى القدر بفتح الدال قدر يعني تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. Donc en fait ce serait le fait que Allah SWT a mis les choses à juste mesure de ce que sa science a su à l'avance, de ce que sa sagesse implique. Il a mis les choses à juste dose, à juste mesure. قال والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. La foi au qadar, au destin, regroupe quatre points. Sauf que le qadar, c'est un bête dans lequel beaucoup, beaucoup sont égarés. Et c'est un bête dont une partie à comprendre et une autre, elle ne revient pas. Car le qadar, sirullah. Le qadar, c'est le secret d'Allah. Et rappelle-toi, dans le dernier précédent, on avait dit quoi? Que notre compréhension, notre création est limitée. On ne peut pas tout comprendre, tout cerner. Donc dans le bab du qadar, il faut faire attention. Ne pas poser trop de questions. Car cela peut t'emmener à t'égarer. Pareil. Donc il dit le premier point qu'implique la foi au destin, c'est le fait de savoir que Allah connaît des choses de façon générale ou de façon détaillée. D'accord ? Depuis toujours. Et cela, qu'il s'agisse de ses propres faits, ses propres actes à lui, une affaire, ou ceux de ses serviteurs. Pareil, c'est tout. D'accord ? Avant que ça arrive, il le saura toujours. Donc la première chose, c'est el-ilm, que Allah connaît les choses. Deuxième point, que Allah SWT a écrit tout cela dans el-luh el-mahfouz. SWT yakoul, alam ta'alam, anna Allah ya'alam ma fi sama wal-ard, inna zalika fi kitab, inna zalika al-Allah yasir. Ce verset regroupe les deux choses. Ne sais-tu pas que Allah sait tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux, et cela est dans un livre, c'est-à-dire écrit. On a le maqsoud, al-luh al-mahfouz. Et certes, cela est facile pour Allah. Ou dans le sahih de Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Qui l'a entendu? Le prophète صلى الله عليه وسلم dire que Allah a écrit, on va dire, les mesures de chaque chose, la quantité de toute la création, et cela avant qu'il ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Donc 50 000 ans avant que Allah ne crée les cieux et la terre, il avait déjà écrit toutes choses. Donc ça, c'est le deuxième point, l'ilm, la science. Le savoir, que Allah sait. Ou plutôt, que Allah a écrit. Non, deuxième point, c'est que Allah a écrit. C'est le premier, la science. Ça, Alifan. De croire que tous les êtres présents, existants, n'ont pu être, n'ont pu exister, si ce n'est avec la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bimashiyati. Tout ce qui existe n'a lieu qu'avec sa volonté. Et qu'il s'agisse une fois plus de ses propres actes à lui, à Allah, ou ceux de ses serviteurs et de la création. Quand Allah Ta'ala, Timaya Ta'ala kubi fi'alihi, wa rabbuka yakhluku ma yasha wa yakhtar. Dans le sens, Allah dit que Allah, votre Seigneur, plutôt ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Wa qal, يفعل الله ما يشاء. Que Allah fait ce qu'il veut. وقال وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. Il est celui qui vous façonne dans les utérus comme il veut. Et il dit à propos justement, là c'est ces versets viennent pour démontrer pour tout ce fait à lui, ses actes à lui. Que Allah fait ce qu'il veut. Après à propos de la création, قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. Qu'il a dit que si Allah avait voulu, il aurait donné la force sur vous, c'est-à-dire à un peuple ennemi, et vous aurez combattu. وقال لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Que si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors délaisse-les et ce qu'ils inventent. Donc ça c'est le troisième point qui est Mashi'a, la volonté d'Allah. Que Allah a connu les choses, puis les a écrites, puis les a voulues. Là c'est le quatrième point. Mahu al-Khalq. Donc c'est Allah qui a créé toutes les choses. Il a créé toutes choses selon leur essence et selon leurs attributs et leurs mouvements, toutes choses. Quand Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Que Allah a créé toutes choses. Ou plutôt que Allah, le créateur de toutes choses, c'est lui qui se charge de toutes choses. Wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira. Celui qui a créé toutes choses et qui les a fait à juste mesure. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala dit à propos d'Ibrahim lorsqu'il parlait à son peuple, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Que Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc toute chose qui existe, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a su, qu'il l'a écrit, qu'il l'a voulu et qu'il l'a créé. Donc maintenant il faut savoir une chose, que la foi au destin, comme on vient de le citer là, le shir dit, cela ne s'oppose pas au fait que le serviteur a un libre arbitre, qu'il a le choix. Et cela est démontré par quoi? Par la législation et par les faits. Que le serviteur a le choix dans ce qu'il fait. En ce qui concerne la législation, quand Allah Ta'ala fait ma shia, fa man sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Que celui qui veut prenne un refuge vers son Seigneur. Wa qala fa'tu harthakum in ashitum. Allez vers votre champ comme vous le voulez, à propos justement des maris et leurs femmes. Après qu'elles aient eu leur haïd, leur menstru, il dit fa'tu harthakum in ashitum. C'est-à-dire comme vous le voulez. Et il a dit à propos de la capacité des gens qu'ils aient de choisir, quand Allah Ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Et craignez Allah autant que vous le pouvez, et écoutez et obéissez. Donc là, ce verset te démontre que tu as la capacité, comme Allah Ta'ala, مَا اسْتَطَعْتُمْ, comme vous le pouvez. Ce qui démontre que le serviteur a une capacité. وَقَالَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Que Allah n'impose pas une charge. Qu'est-ce qu'elle peut supporter? Elle aura la récompense de ce qu'elle aura accompli comme bien. Et elle sera rétribuée exactement en fonction du mal qu'elle aura commis. فَقَالَ أَمَّا الْوَاقِعَ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَشِيئَةً وَقُدْرَةً بِهِ مَا يَفْعَلُ وَبِهِ مَا يَتْرُكُ فَيُفَرِّقُ بَيْنَ مَا يَقَعُ بِإِرَادَتِهِ كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش لكن مشية العبد وقدرته واقعتان بمشية الله تعالى وقدرته لكل الله تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيته. Donc maintenant c'est quoi l'effet qui démontre que le serviteur il a un libre arbitre? C'est que chacun sait et se rend compte qu'il a une capacité de choisir et d'agir. Donc l'être humain arrive à différencier entre ce qu'il subit et ce qu'il choisit. Par exemple, lorsqu'il marche, il a subi, du moins il a choisi cela, il s'en rend compte. Ou, à l'inverse, les choses qui viennent sans qu'il ne les voulue, comme par exemple les convulsions ou les frissons qu'il ressent lorsqu'il est malade. Des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais il faut savoir que cette volonté du serviteur et cette capacité n'ont lieu qu'après celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est dit dans le sens, pour celui d'entre vous qui veut se tenir droit, et vous ne pourrez, ou plutôt vous ne voudrez, que si Allah le veut, Seigneur des mondes. Pourquoi? Car toute la création, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a dans son royaume rien du tout qui n'ait lieu sans qu'il ne l'ait voulu. Sans quoi il perdrait justement le nom du Malik. C'est-à-dire c'est le roi absolu, c'est-à-dire que tout se passe avec son vouloir, par sa volonté. Donc il n'est pas possible qu'une chose ait lieu dans son royaume sans qu'il ne l'ait voulu. Donc il dit par la suite que la fête de foire au destin, cela ne laisse pas au serviteur qu'il puisse prendre comme argument ce destin pour délaisser les choses obligatoires ou pour commettre les désobéissances. Et si celui qui viendrait argumenter avec le destin, lui, il serait réfuté de plusieurs points. Le premier, quand Allah Ta'ala, c'est Yaqulu allazina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wa la aba'una wa la haramna min shay. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاكُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَى تَخْرُثُونَ. Donc ceux qui ont associé diront que si Allah avait voulu, nous n'aurons pas associé, ni nous, ni nos pères, ni nous, nous n'aurions rendu les choses illicites. Allah a dit, et c'est comme cela qu'on démentit ce devant eux. C'est ce qu'ils aient goûté notre châtiment. Dit, avez-vous donc de la science à nous faire savoir? Vous ne faites que suivre des conjectures et ne forgez que des prétentions. Donc là, si jamais le qadar, destin, était un argument pour commettre les choses mauvaises, comme il est dit dans le verset, ceux d'avant nous n'auraient pas été atteints par son châtiment. Tamam. Deuxième point, pour réfuter ces gens-là, Allah yaqul, رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Donc Allah a dit qu'il a envoyé justement des messagers, annonciateurs et avertisseurs pour qu'il n'y ait point d'argument pour les gens après les messagers. Donc Allah est puissant et sage. Donc là on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis quoi comme argument pour les gens? Que le message ne leur parvienne pas, et non pas le destin. À partir du moment où le messager t'est venu, tu as entendu le message, tu n'as plus d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième réfutation, ce qu'a rapporté le Bukhari et Muslim, et là l'énoncé celui de Bukhari, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ مسلم فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. دوك لا dans les صحيحين selon Ali رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il n'y a aucun d'entre vous dont son siège au feu au paradis n'a déjà été écrit. D'accord, déjà prédestiné. Donc un homme a dit, donc, au messager d'Allah, n'allons pas nous reposer sur notre livre, c'est-à-dire sur notre destin, c'est-à-dire on laisse les actes. On laisse les beaucoup aux choses car tout est destiné. Il a dit non, vous devez œuvrer et chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été prédestiné. Ensuite il l'a lu dans le verset, dans le sens où il dit, quant à celui qui a donné et qui craint le verset. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'œuvrer. D'accord, il n'a pas dit tattakil al-qadar. Il a dit œuvrer. Et chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été, ce qu'il a été destiné. Donc on ne reste pas comme ça sans rien faire. Car l'être humain ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Quatrième réputation qu'il donne, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des ordres aux serviteurs et leur interdit des choses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut imposer aux serviteurs que ce qu'il peut accomplir. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fattakullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Que Allah n'impose aucune charge ou aucune âme ce qu'elle ne peut endosser. Donc si jamais le serviteur il lui était imposé malgré lui. Il a dit ce serviteur était contraint, comme on dirait plutôt contraint, non, était contraint de chaque acte. Ça veut dire que Allah lui aurait chargé d'une chose qu'il ne peut supporter. Si tu tombes dans un péché par ignorance, tu ne savais pas, ou que tu as oublié, à Salen, ou que tu étais contraint de le faire à tes dépens, tu n'as pas de péché qui est écrit. Donc là, ça démontre que le serviteur n'est pas moujbar comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraint de faire les choses malgré lui. Sans quoi le taklif, ce que Allah nous impose comme charge, n'aurait pas de raison d'être. On ait le choix de faire ou de ne pas faire. Et cinquième point, qal, que le qadar, le destin, c'est le secret d'Allah. Personne ne le connaît avant qu'il ne tombe, avant qu'il n'arrive. quand même. Alors que le serviteur, lui, ce qu'il allait commettre comme acte, il comptait le faire avant de le faire. Fahimtani, avant qu'il commette un acte, il avait déjà l'intention de le faire. Donc il ne savait pas ce qui allait arriver. Fahimt, lui ne sait pas ce qu'il attend. Donc il ne peut pas, genre, par exemple, il décide de faire une chose. Dans une heure, je vais faire telle et telle chose. Mathalan. Est-ce qu'il sait ce qu'il va, dans une heure ce qui va se passer? Il ne le sait pas. Mais dans son cœur, il sait déjà qu'il compte faire cette chose-là. L'heure passe. Il fait la chose. Après, il dit, c'est là qu'il faut que je la fasse. On dit, Hassala bin Mashiatillah. D'accord? Mais ne te le prends pas, c'est ça comme argument, parce qu'avant que tu fasses cette chose-là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne savais pas ce qui va se passer. Tu ne connais pas l'avenir. Pour pas qu'il vienne de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, yom la qiyama, et Rabbi, j'ai fait ça, parce que c'est toi qui as voulu que je le fasse. On dirait, tu ne savais pas ce que tu allais faire à toi auparavant. Et tu as eu ta niya de commettre cet acte-là avant de le commettre. Bien avant, peut-être des fois des jours avant, peut-être des fois des années avant. Donc tu ne sais pas ce qui va se passer, donc ne dis pas que c'est le qadar qui est ton excuse. Ce n'est pas accepté. Sixième argumentation qu'il dit, c'est-à-dire que les gens, cette dunya s'efforce d'obtenir ce qu'ils désirent dans cette dunya. D'accord? Et ces efforts-là, ils ne les négligent pas au détriment d'autres choses qu'ils ne veulent pas avoir. Donc là, il ne peut argumenter avec le destin, car lorsqu'il commet les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dira, pourquoi lorsque tu as fait ce que tu voulais faire et que tu l'as obtenu et tu t'es pas détourné vers les choses que tu voulais pas faire, pourquoi est-ce que c'est la religion, quand tu commets des péchés, tu dis ouais non parce que c'est le qadar. Enfin, tu fais l'inverse. Quand ça t'arrange, tu t'efforces de faire les choses pour les obtenir et tu n'es pas négligent au point de devancer les choses qui ne t'intéressent pas pour les choses que tu veux. Alors pourquoi dans la religion, c'est que telle et telle chose te sont obligatoires ou interdites, tu ne les fais pas. Et quand tu ne les fais pas, tu dis ouais c'est Allah qui l'a qadar. Mais quand tu fais les choses qui t'intéressent, tu dis pas c'est Allah qui l'a qadar. Pour la dunya. Quand c'est la religion, c'est Allah qui l'a qadar. Donc c'est pas adl, c'est pas équitable comme jugement. Alors que les deux c'est la même chose. Que tu obtennes, que tu fasses ce que tu veuilles pour ta dunya ou que tu commettes un péché, c'est toi qui t'y es forcé à le faire. Donc si tu prends le destin, fais-le pour les deux. Et tout ça pour les deux, ça va être baratine. Mais ces gens-là, ils le prennent pour un côté et pas dans l'autre. Et alhamdoulilah, il va venir avec d'autres exemples qui démontrent cela. Il dit exemple pour clarifier ce qu'on vient de dire à l'instant là. Sixième point. Il dit par exemple que si jamais une personne avait le choix entre deux voies, deux chemins, deux routes. Une route qui mène vers un pays, tout est désordre, désorganisé. Qu'il n'y a que du meurtre, que du vol, que les honneurs sont violés, que de la peur, l'insécurité, la faim, réelle des alikas. Et un autre chemin qui amène vers un pays qui est organisé, qui est en sécurité, où la vie est agréable, d'accord, où les vies sont respectées, ainsi que les honneurs, ainsi que les biens. Lequel des deux chemins il va choisir? Bien évidemment, il va prendre le chemin qui amène vers le pays qui est organisé, vers le bon pays. T'as même? Il n'est pas possible que quelqu'un qui a un aql prenne le chemin vers le pays insécurisé où il risque de se faire tuer. Lorsqu'on vient maintenant, on vient à la religion, on dit là t'as le paradis, là t'as le feu. Toi, t'as pris le chemin du feu. Après, tu vas dire c'est le destin. Alors que toi, tu as pris le chemin vers le pays qui est serein et sécurisé, tu n'as pas dit c'est le destin. Tu aurais dit, parce que moi, je suis intelligent, je suis pas fou. Je suis pas stupide, je vais pas aller faire un pays où je vais me faire tuer. Mais là, quand c'est la religion, tu vas dire c'est le destin. Là, on pourrait dire, ce point-là du shir, il est discutable. On pourrait dire, toi, le problème, c'est que les choses qui amènent vers le feu sont agréables, attirantes. Les choses qui amènent vers le feu, elles sont attirantes. Les choses qui amènent au paradis, elles sont plus détestables pour le nefs. Et la ibada, c'est des choses que le nefs, à la base, n'aime pas trop. Donc c'est pour ça qu'après, avec un exemple plus proche de la réalité. Justement, pour fermer cette porte-là. Et dit, demain maintenant, le malade, on lui ordonne de prendre les médicaments pour se soigner. Et ces médicaments, à la base, son nefs n'en veut pas, son âme n'en veut pas. Car il est amer, il est désagréable, peut-être qu'il est cher ou quoi. Et il lui interdit de prendre des nourritures pour se soigner que son âme veut à la base. On dit tel et tel plat, tu ne les manges plus, c'est fini. Par exemple, pas de sucre, pas de sucrerie, pas de pâtisserie, pas de boisson gazeuse, pas kaza kaza. Et lui, il veut à la base. Il délaisse tout ça, pourquoi? Pour se guérir. Donc, est-ce qu'après, il va dire c'est le destin que je délaisse tout cela? Il va dire pourquoi? Il dit parce que je veux me soigner. si jamais je les mange, j'aurai des problèmes de santé. Ça, on ne va pas dire c'est le destin. Bon, on dit pourquoi que le paradis et l'enfer, c'est pas pareil. Le paradis, c'est vrai que l'atteindre est plus difficile que le fait d'aller en enfer. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hujibat al-Jannah bil-Makarih, wa Hujibat al-Nar bil-Shahawat. Que le paradis était recouvert par des choses détestables et que l'enfer était recouvert par des choses qui attirent. Ça, on s'en rend compte. Donc là, lorsqu'il prend ses médicaments amers, qui coûtent cher, qui délaissent tous ces plats qui l'attirent, est-ce qu'il dit c'est le destin? Il dit non. Il dit c'est pour me folie, je fais ça. C'est moi qui ai choisi. Le docteur, il m'a dit de faire ça et ça et ça. Je le fais. Bon, on dit Allah, il t'a dit de faire ça et ça et ça, tu auras le paradis. Donc, tu prends dans les martyrs, tu dis c'est Allah qui a voulu que je fasse les péchés. On dit non. Tu avais le libre choix, le libre arbitre. Tu as choisi toi-même. Après, il dit septième point pour réfuter ces gens-là. Si quelqu'un veut demain venir à s'en prendre à toi, à te faire du mal, te prendre tes biens, t'agresser, ainsi de suite. D'accord? Et à la fin, il s'en sort et il dit, j'ai fait ça, il ne m'en veut pas. C'est Allah qui a voulu que je fasse ça sur toi. C'est Allah qui a voulu que je prenne ton argent, que je te frappe. Ne m'en veut pas. Est-ce que tu acceptes ça de lui? Tu ne vas jamais accepter ça de lui. Donc pourquoi tu l'acceptes? Quand c'est ton droit à toi, tu le refuses. Mais quand c'est le droit d'Allah qui t'a créé, tu l'acceptes. Et de là, il cite l'histoire qu'avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'une fois il y avait un voleur qui avait volé, que Omar, radiallahu anhu, allait faire sur lui la sentence, appliquer sur lui la sentence. C'est quoi la sentence du voleur? On lui coupe la main. Faqala, zakar rajoul, mahlan, ya emir mu'minin, fa inama saraktu bi qadrillah. Faqala Omar, wa nahnu inama naqta'u bi qadrillah. Il dit, Omar, doucement, je l'ai volé parce que Allah me l'a prédestiné. Il dit, ben nous, on va te couper la main parce qu'Allah l'a prédestiné aussi. Akaza. Quelle réponse tu as devant ça? Aucune. Donc, prétexter le destin pour commettre les désobéissances et laisser les obligations, ça c'est de la comédie, c'est du mensonge. Et c'est refusé. Et les gens savent très bien ce qu'ils font, au fond. Pas même. Après, il dit, Walil iman bil qadari thamaratun jadilatun minha. Donc la foi au destin renferme de nombreux fruits bénéfiques pour nous. Parmi eux, الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. Donc en premier lieu, cela te pousse à plus te reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu fais les causes. D'accord? Et non pas tu te reposes sur les causes complètement. Car tu sais que toute chose t'arrivera parce que Allah l'a prédestiné. Donc toi, tu fais les causes parce que c'est parmi les conditions de tawakkul. Mais tu dis pas, comme j'ai fait ces causes-là, c'est obligé que j'aurai la chose. Tu dis non. Donc tu te reposes sur qui? Sur Allah. C'est pas un talent le plus. Non. Thaniyan, la yu'jib al-mar'a bi-nafsihi. La yu'jib al-mar'a bi-nafsihi inda husul muradihi. Lianna husulahu ni'matun min Allah ta'ala. Bima qaddarahu min asbab al-khayr. Wa najah. Wa i'jabu bi-nafsihi yunsihi shukrah din ni'ma. Donc deuxième chose, que la personne ne devienne pas un but d'elle-même. Amour propre, comme on dira. Qu'elle ne soit pas impressionnée par elle-même. Lorsqu'il obtient ce qu'il veut. Pourquoi? Car il sait que cette obtention n'est qu'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah lui a accordé. Et le fait qu'il soit un but sur personne, cela l'emmènerait à quoi? À oublier d'être reconnaissant envers Allah. De même, personne n'a fait plein de choses. Par exemple, quelqu'un il a des efforts pour apprendre le Coran, pour mémoriser le Coran. Et il l'a eu. À la fin, il dit ouais, c'est grâce à moi. Alhamdulillah, j'ai une bonne mémoire, je suis un mujtahid, j'ai fait trop d'efforts, je mérite. On dit non, c'est Allah qui a voulu que tu apprennes le Coran et qui t'a facilité à l'obtenir. Donc tu dois remercier qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah avait prédestiné que tu allais apprendre le Coran. Mais comme on est dans le hadith, Allah t'a facilité les moyens d'y arriver, une bonne mémoire, un ijtihad. Donc c'est qui tu dois remercier? C'est Allah en premier lieu. Car en faisant cela, tu vas devenir orgueilleux, tu vas devenir comme Shaitan. À la fin qui était bannit du paradis et voit l'enfer pour ça, car il s'est vu meilleur que les autres. Ça t'empêche de devenir mutakabbir. Tamam? Tayyib. Thalitha, que tu as l'âme apaisée. Pourquoi? Car tu sais que ce qui arrive, c'est car Allah l'aura prédestiné. Donc, tu n'es pas inquiet ou tu n'es pas attristé du fait qu'une chose que tu voulais, tu n'es pas obtenue. Ou qu'il te soit arrivé une chose détestable. Car cela t'arrive parce que Allah l'a décrété. Par exemple, demain, tu voulais une bonne chose, tu n'as pas pu l'avoir. Tu te dis, quoi, dans la mâche à parler. T'es pas comme celui, par exemple, qui veut une chose absolument, qui croit au destin. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il fait une crise. Il se révolte. Comme l'enfant capricieux. Il supporte pas. Il dit, je veux ça, je l'ai pas eu. Toi, tu dis, moi, allez, il veut pas que je l'aie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allah ne veut pas que j'ai cette chose-là. Donc, je l'ai pas, je l'ai pas. Je suis triste, j'aurais voulu l'avoir. Mais c'est qu'Allah n'a pas voulu pour moi. C'est qu'il y a un bien pour moi que je l'ai pas. Et pareillement, si une chose t'arrive, par exemple, une épreuve, malgré toi, tu tombes malade, la salade, ou je sais pas, tu as fait du vélo, tu es tombé, tu te cassé la jambe. Salama, voilà, afia. Tu vas pas faire une plainte contre la marque du vélo pour le faire un procès comme ils font les koufars. Parce que oui, dès qu'il y a un truc, ils leur font un responsable tout de suite. Tu dis, c'est Allah, là, j'ai fait du vélo. Quand dans la marche à faire, il y avait un clou, le pneu il a crevé, j'ai dérapé, je suis tombé, je me suis cassé la jambe. Là, c'est fini. Non, eux, ils vont chercher qui s'est mis le clou ici. Pourquoi est-ce que le vélo n'a pas été homologué pour éviter ce genre de crevaison? Et kaza et kaza, et il fait un scandale. Mon fils a eu la jambe cassée à cause de vous. Toi, le mousse, tu dis non, c'est Allah qui a voulu que j'ai la jambe cassée. Maintenant, quand tu as des causes qui existent et tu sais que tu es responsable, là, c'est autre chose. Moi, je ne pas une chose qui est arrivée, qui en apparence n'est causée par personne. C'est quand Allah m'a elle, ta main à main, tu ne peux pas dire c'est à cause de lui ou de lui ou de lui ou de lui. Par contre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amli mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتهم سراء شكر فكان خير له وإن أصابتهم ضراء صبر فكان خير له رواه مسلم. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'affaire du muslim, elle est surprenante, elle est étonnante dans le sens du bien. Pourquoi? Car toute son affaire, sa situation muslim n'est qu'un bien, et cela n'est pour personne que pour le muslim. Si jamais un bien le touche et qu'il remercie, cela lui est meilleur. Et si jamais une épreuve le touche et qu'il patiente, cela lui est meilleur. Quoi qu'il t'arrive, soit tu remercies lors d'un bien, soit tu patientes lors d'une épreuve, ou tu demandes pardon lors d'un péché. Donc on a appris ça. Qawada Arba, Arsant, 4 règles. Naam. Après il dit, il finit avec ça, que deux sectes ont dévié, deux sectes, on va dire, parmi les furuq al-asasiya, ont dévié dans le sujet du destin. La première est Jibriya. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui disent que le serviteur est contraint. Il ne peut rien faire de lui-même. D'accord? Tout ce qu'il fait, il est comme, on va dire, un plume au gré du vent. Il ne contrôle pas ses actes. Il n'a pas de volonté ni de capacité. Deuxième secte est Qadariya. Ceux qui disent que le serviteur crée ses actes de lui-même. Que cela ne revient pas à la machia d'Allah. Ce qu'il fait, il le fait de lui-même. Donc maintenant, ces deux sectes, elles sont réfutées comment? Par la législation, bishar, wabil waqi'a. Par la législation et par les faits. Premièrement, par la législation. Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que le serviteur, lui-même a une irada. Il a un vouloir. Une machia, une volonté. Et qu'il lui a attribué les œuvres. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Que parmi vous certains veulent la dunya et parmi vous certains veulent l'au-delà. Wa qala wa qul al-haq min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha. Il dit la vérité de votre Seigneur, celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il mécroit, nous avons certes préparé pour les injustes un feu qui va les entourer de toutes parts. Donc là, tu as la machia, tu as le choix. Tu as le choix. Donc Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Que celui qui œuvre en bien, c'est pour lui-même. Et celui qui œuvre en mal, là, sera contre lui. Et que votre Seigneur, plutôt que ton Seigneur, n'est pas grand injuste envers les serviteurs. Donc tu as le choix de faire le bien ou de faire le mal. Ça te revient à toi. Et quant au fait, d'accord, à la preuve rationnelle, c'est que toute personne arrive à différencier, comme on l'a dit au début, dans ce qu'il fait part de son propre gré, de ce qui lui arrive de lui, malgré lui, à ses dépens. Comme par exemple, celui qui mange, qui boit, qui vend des choses, qui parle, il se rend compte qu'il fait ça de lui-même. Quand même, il se rend compte que tout ce qu'il fait, il le fait consciemment, de son propre gré. Contrairement à celui, par exemple, qui tombe malade, qui a des convulsions, qui a des frissons, qui a des douleurs, qui, par exemple, qui tombe du toit, tout ça, il se rend compte que ça ne vient pas de lui. Quand demain, tu tombes d'un toit, lors de la chute, tu la contrôles? tu as contrôlé. Et ta chute quand tu es tombé, tu as trébuché, tu as glissé. Tu n'as pas voulu cela. Tu t'en rends compte que c'est malgré toi. Donc le premier dont on parle, qui mange, qui boit, qui fait tout ce qu'il veut, tout ça il le fait de son propre choix. Il se rend compte. Et le deuxième, il subit. Donc ça c'est un rod jibriya. Que ce que tu fais de toi-même, tu le sais. Et ce que tu subis, tu le sais aussi. Donc cette secte-là, ce qu'il dit, c'est faux. La deuxième secte, qui sont les Qadariya, les preuves contre eux, c'est quoi? Du din, des shara. Fa'inna Allah ta'ala khalikun kulli shay. Que Allah a créé toute chose. Qu'il n'y a pas une chose qui existe sans sa volonté. Allah, dans son livre, l'a démontré. Que même ce que les serviteurs font, cela n'a lieu après que lui l'ait voulu. Comme a dit Allah, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Que si Allah avait voulu que ceux d'après lui, c'est-à-dire d'après Isa, ne seront pas combattus après que les preuves leur sont parvenues. Cependant, ils ont divergé. Parmi eux, certains ont cru et parmi eux, certains ont mécru. Que si Allah avait voulu, il ne serait pas combattu, cependant Allah fait ce qu'il veut. وقال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. Alors dans le sens il dit, si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme la guider. Cependant, la parole véritable, nous allons remplir le feu de djinn et de gens. Totalement. C'est une chose que Allah y veut. Tamam. Ama al-aql, par rapport à la raison, toute la création, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, l'être humain, on va dire un de ses sujets dans cette création. Il appartient à Allah. Cet être humain est une part du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas possible que le sujet d'un roi, de la royauté absolue qui est Allah, puisse faire quoi que ce soit sans que le roi l'ait agréé. Quand on dit agréé, qu'il ait laissé court, en fait. Parce qu'Allah n'agrée pas les péchés, les désobéissances. Mais quand on dit agréé, c'est-à-dire qu'une chose qu'il a voulu qu'elle ait lieu. Pas même? Pas bien. Là, il y a un point que le chien ne cite pas. On va parler vite fait. C'est que il faut qu'on différencie entre l'irada ou l'mashi'a. En français, on ne pourra pas définir. Irada, c'est le mazdar de arada yurido, qui veut dire vouloir. Et mashi'a, c'est le mazdar de sha'a yasha'u, qui veut dire aussi vouloir. Mais en arabe, il y a une différence entre les deux. L'irada, elle est de deux catégories. Il y a celle qui est kouniya et celle qui est shari'a. C'est-à-dire une chose, un vouloir que Allah il veut, qui est lié à la législation et un qui est lié à la création. Ce qui est lié à la création a forcément lieu. Ça revient à la mashi'a. Si Allah veut qu'une chose elle ait lieu, dans la mashi'a, elle a lieu. Elle a lieu obligatoirement. Par contre, son vouloir lié à la législation, Allah aime cela, il le veut, mais cependant, il se peut que ça ait lieu, il se peut que ça n'ait pas lieu. Comme par exemple quoi? Allah veut de nous qu'on soit tous des musulmans. Est-ce qu'on l'est tous? On ne l'est pas tous. Quand même, on ne l'est pas tous. Donc c'est là, dans ce bab-là, que les gens sont guéris. Différencie entre les deux. Mais là, c'est un autre sujet, c'est un autre derse qui mérite plus de paroles. Quand même, là, c'est juste un tambi. Qu'on arrive à différencier qu'il y a mashi'a et irada. La mashia, c'est une chose que lorsque Allah il veut, elle a forcément lieu, obligatoirement. Amal irada, non, elle n'a pas forcément lieu. Akadao. Donc là, on a fini, alhamdoulilah, les disciplines de la foi, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, c'est-à-dire mauvais selon notre vision à nous. Et demain, il clôturera le livre avec les buts, justement, de cette croyance islamique. والحمد لله رب العالمين